Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 avec Valérie Levé au microphone. Et si je vous dis Moonjack, vous pensez à quoi ? À une épice ? Une arme de poing ? À un oiseau ? À une langue d'une tribu amazonienne ? Aucune de ces réponses n'est évidemment la bonne. La bonne réponse, c'est le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval, qui va nous l'apporter. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, ça va? Ben, ça va très bien. On est content de vous retrouver à notre émission, à Futur Simple. Content d'être là aussi. Alors, ce Moonjack, qu'est-ce que c'est? Le Moonjack est un petit cervidé, donc un petit chevreuil. Alors, imaginons un chevreuil miniature qui vit un peu partout en Asie. En fait, on en connaît 6 ou 7 espèces qui vivent dans tous les pays d'Asie, de la Chine à l'Inde, au Sri Lanka, en Indonésie, au Vietnam, etc. Mm-hmm. Donc, selon l'espèce, on en trouve un peu partout dans les forêts asiatiques. D'accord. Donc, c'est un animal relativement inconnu quand même du grand public. Moi, je n'avais jamais entendu ce nom-là, Moonjack. Donc, mais vous, il vous est assez familier? Parce que vous l'avez étudié pendant votre thèse de doctorat, donc qu'est-ce qui vous a motivé à vous pencher sur ce petit animal? C'était, comme ce qui arrive souvent dans la vie, c'est le produit de ce que j'appelle la contingence. Donc, des hasards qui sont arrivés dans mon histoire. Alors, pour faire une histoire courte, j'ai commencé des études en foresterie que j'ai quittées après 5 ou 6 ans pour commencer des études en biologie. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai trouvé un directeur de thèse de doctorat en biologie à l'Université de Calgary, où il n'y a pas de Moonjack dans la nature. Pas évidemment, vraiment. On n'en voit pas dans les rocheuses avec les mouflons. Mais comme je commençais des études de comportement animal, et pour moi, c'était tout à fait nouveau, mon directeur de thèse m'a conseillé d'aller au jardin zoologique de Calgary, où il y avait une petite population de Moonjack dans un enclos, pour me familiariser avec surtout l'observation du comportement et l'analyse du comportement animal. Donc, l'idée, c'était pas de travailler pour mon doctorat sur le Moonjack, mais de m'introduire à l'éthologie, à l'étude du comportement animal. Mais je suis tombé en amour après quelques mois d'observation du Moonjack. Je suis tombé comme en amour scientifique, on veut, avec le Moonjack. Entre autres parce que on voit un très grand nombre d'adaptations un peu bizarres chez le Moonjack. Et surtout, à l'époque, on ne connaissait rien du Moonjack dans la littérature scientifique. Donc, tout ce que je trouvais était nouveau. Tout ce que je trouvais était digne de publication. Ah, donc, oui. C'était un intérêt. Ça me facilitait la vie pour faire un doctorat qui était utile, puisqu'on ne connaissait rien de la bête. Mais ensuite, vous êtes allé faire votre doctorat en Asie? Oui. Alors, j'ai travaillé pendant 2 étés, donc 8 mois d'observation au jardin zoologique, pour ensuite aller voir ce qui se passait en nature. Et là, ce n'était pas évident de choisir un lieu d'étude. Et j'ai finalement choisi le Sri Lanka. Et là aussi, c'est une contingence. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime bien raconter là-dessus. Il y a un mot qui a été inventé par un nommé Horace Walpole en 1784, qui s'appelle « serendipité ». Je ne connais pas de traduction en français. Ça veut dire la faculté de faire des découvertes et des rencontres agréables ou positives par hasard. Donc, c'est exactement ce qui est. Et le lien avec le Moonjack, c'est que ce qui a inspiré Walpole pour inventer ce mot, serendipité, c'est le nom que les marins arabes utilisaient pour l'île du Sri Lanka, qu'ils appelaient Serendib. Okay. Parce que j'imagine que les marins, on faisait des découvertes intéressantes et surprenantes et agréables au Sri Lanka, qui est un paradis tropical. Donc, je me suis retrouvé au Sri Lanka à étudier le Moonjack pendant un an et demi dans un des plus beaux parcs nationaux, un des plus beaux parcs naturels au monde, le parc de Wilpatu. Donc, vous voyez, un long détour pour arriver finalement à ce qui était évident finalement. Puis ce Moonjack, il est aussi quelque chose de particulier, c'est qu'on en a quand même découvert, c'est un cervidé, et on a découvert 2 nouvelles espèces quand même très récemment. Voilà, les autres espèces étaient connues depuis très longtemps, et il y a 12 ou 15 ans, on a découvert à peu près à la frontière du Laos et du Vietnam 2 espèces dont la science n'avait jamais entendu parler. Alors, les gens de l'endroit les chassaient et en mangeaient. C'est comme ça qu'on l'a découvert d'ailleurs. Un biologiste a découvert des crânes de ces bêtes dans des marchés publics et s'est bien rendu compte que c'était une nouvelle espèce. Et c'est assez surprenant de trouver de nos jours, dans un pays qui est quand même fréquenté par des humains depuis toujours, ben oui. de découvrir des espèces de cette taille-là c'est qui ça. Sont tout à fait inconnues de la science. Habituellement, quand on parle de découverte de nouvelles espèces, c'est un insecte ou un petit amphibien perdu dans le fin fond de l'Amazonie. Ou une musaraigne qui vit dans le sous-sol. Mais là, c'est quand même un animal qui fait 30-50 cm au garrot. C'est ça, qui est de la taille d'une chèvre ou à peu ouais. près dans le cas de ces espèces nouvelles. Mmh. Alors, il vit comment ce Moonjack? Est-ce que c'est un animal solitaire ou un animal social? Alors, c'est un animal strictement forestier, donc on trouve dans tous les types de forêts en Asie, ou à peu près, qui est solitaire. C'est comme c'est un ongulé cervidé, donc c'est un ruminant. Donc, c'est un petit ruminant forestier solitaire. Et là, vous allez peut-être me demander pourquoi je suis allé étudier la vie sociale d'un animal forestier solitaire. Oui. Mais c'était l'insouciance de la jeunesse, je pense. Parce qu'on se dit, finalement, la vie sociale d'un solitaire, ça se résume à étudier un individu, tout ça. Voilà, qui ne veut pas voir les autres. Oui, donc ça veut dire, ça suggère qu'il a une vie sociale, ce solitaire? Il a une vie sociale très élaborée, mais qui est très discrète. Selon nos critères à nous, qui fonctionnons avec la vision, il faut se voir, il faut se parler de proches pour avoir une vie sociale. Alors que le Moonjack est solitaire, si je me souviens de mes données, ou à peu près 65% des observations sont des animaux solitaires. Donc, c'est une estimation qui veut dire que 65% du temps, un Moonjack est tout seul. Mais la vie sociale est quand même existante. On trouve des petits groupes, surtout des femelles avec leurs jeunes, ou une femelle avec sa fille qui aurait à peu près un an, ou un mâle avec une femelle pour le temps de l'accouplement, etc. Mais et le plus grand groupe que j'ai jamais observé est un groupe de 4. C'est un record dans la littérature. Ah oui? On n'avait jamais vu 4 Moonjack ensemble. Bon, en tout cas, on n'avait jamais publié là-dessus. Mais c'est un groupe qui a duré seulement quelques minutes. Mais la vie sociale est permise par leur mode de communication. Donc, même si chaque individu est solitaire, ils ont quand même des canaux de communication, deux canaux de communication principaux. D'abord, un cri d'alarme. Qui est très, très, très puissant. C'est hors de proportion par rapport à la taille de l'animal. C'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle le « barking deer ». OK, ouais. C'est vraiment un aboiement très, très fort qui porte très loin en forêt. Et on n'est pas tout à fait sûr du signal ou du message qui est porté par cet aboiement. Il y a 2 ou 3 hypothèses. Ça peut servir à prévenir les congénères qu'un Moonjack a vu un prédateur, un tigre ou un léopard, par exemple. Et ça peut servir aussi, je pense que c'est l'hypothèse qui me plaît le plus et qui est la plus plausible à mon avis, c'est que ça sert de communication avec le prédateur. Pour qu'un prédateur comme un léopard attrape un Moonjack, il doit lancer son attaque à très courte distance. Et quand le Moonjack aboie, il aboie quand il a vu ou il a senti le prédateur au-delà de cette distance minimale. Ah. Donc c'est comme s'il disait au prédateur, je t'ai vu. Je t'ai vu, c'est pas la peine que tu me cours après, C'est pas la peine, tu pourras pas m'attraper. Et cette interprétation-là est supportée par le fait que quand le prédateur entend l'aboiement, il arrête sa chasse. Il arrête de Il a compris le message. Il a quand même compris que c'était inutile. Et donc, ça, c'est la première façon de communiquer. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, qui est la façon la principale qu'on trouve chez le Moonjack, c'est une communication olfactive. Alors, les animaux déposent dans l'environnement en forêt, à des endroits stratégiques, leurs fesses et leur urine, avec un protocole de comportement qui est très rigide, c'est très stéréotypé. On dirait une sorte de danse rigide par laquelle ils déposent un petit peu d'urine. Donc, c'est comme s'ils ne vidaient pas la vessie à un endroit. Ils ménagent l'urine pour pouvoir en déposer un peu partout dans l'environnement. Et ça finit par créer des latrines où on trouve des amoncellements de fesses et d'urine. Et ces substances portent probablement une information sur le sexe de l'individu, sur son état reproducteur, s'il s'agit d'une femelle, sa dominance sociale et son identité probablement donc, aussi. Donne de l'information à ses congénères, de l'information sur lui-même à ses congénères. C'est ça. Et l'information principale vient de glandes odorantes que l'animal porte sur sa tête. Alors, il y a 2 paires de glandes, il y a 2 fentes parallèles sur le front, et il y a surtout 2 énormes glandes au coin des yeux, donc des glandes préorbitales, dont le volume est équivalent au volume de l'œil de l'animal. Donc, c'est très, très grand. Gros, hein? Et à ces glandes sont associés des muscles spécialisés qui permettent au Moonjack d'ouvrir la glande et de marquer au sol, de marquer par-dessus les fesses. Et surtout, ça permet à un dominant de marquer par-dessus la marque d'un subordonné. Chose qu'un subordonné n'oserait jamais faire. Donc, il y a un réseau social qui est fondé sur les odeurs, puisque les odeurs contiennent de l'information sur l'identité de l'individu, sur son statut social, etc. C'est comme si l'animal était omniprésent. C'est comme s'il était ubiquiste. Il est à 100% présent là où il est. Mais même si il n'est pas ailleurs, par les odeurs, ces moniaques-là se parlent. Donc, on peut reconnaître la présence, on peut reconnaître le statut social, encore une fois. Mm. Donc, à notre vue, à nous, quand on regarde l'animal qui est toujours tout seul, on se dit il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a pas de communication entre eux. Mais grâce aux odeurs, ça leur donne un mode de communication qui nous est inaccessible, mais qui est tout à fait parlant pour eux. Mm. Si je comprends bien, c'est décuplé par ces glandes qu'ils portent sur la face, parce qu'il y a d'autres animaux qui vivent dans la forêt, même alentour ici, qui vont déposer des odeurs par les urines. Mais lui, le Moonjack, il a ces glandes qui renforcent ses moyens de communication. Oui. Et je pense que l'information sociale est surtout contenue dans les sécrétions de ces glandes. Et mm-hmm. L'animal, donc, a une musculature spécialisée pour ouvrir la glande. C'est comme si la glande, quand elle est fermée, on voit seulement une fente dans le coin de l'œil. Quand elle est ouverte, elle est éjectée à l'extérieur et c'est comme un doigt de gant qui se déplie. C'est comme si la glande bâillait, si vous voulez, puis s'ouvrait très, très grand. Mm-hmm. Et pendant qu'il urine, les glandes sont ouvertes. L'animal lèche les glandes avec sa langue qui est très longue. C'est probablement une façon, ou peut-être une façon de renforcer la valeur olfactive de la sécrétion. Mm-hmm. Et ensuite, il dépose la sécrétion sur le sol, sur la végétation, mm-hmm. par-dessus la marque des autres. Donc, il y a un réseau de communication qu'on ne peut pas soupçonner si on n'a pas observé les marquages olfactifs. Mmh. Mais pour eux, ça semble évident que ça transmet énormément d'informations sur la présence, sur le statut, sur les intentions des autres. Alors cet animal, il est relativement solitaire malgré tout. Il ne se rencontre pas souvent. C'est rare de les voir ensemble, mais de temps en temps, ça doit arriver. Un mâle rencontre un mâle. Qu'est-ce qu'il se raconte? Il se raconte des choses très agressives. C'est des individus qui ne sont pas solitaires pour rien. Ils sont très intolérants les uns des autres. Un mâle adulte ne tolère absolument pas la proximité d'un autre mâle adulte. C'est la même chose pour les femelles. Les femelles sont aussi agressives les unes envers les autres que les mâles. Et les femelles se mordent, se frappent et sont tout à fait intolérantes. On voit à l'occasion un mâle adulte avec un jeune mâle qui est juvénile, qui est de toute évidence pas tout à fait adulte, mais c'est des associations qui ne durent pas très longtemps. Et donc, ils sont extrêmement intolérants. Mais est-ce qu'il y a des combats? Il y a des combats. Les combats entre les femelles sont relativement simples. Les femelles se donnent des coups de patte, ils se mordent jusqu'à ce qu'une des deux s'enfuit. Chez les mâles, les combats sont très compliqués. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres cervidés, aux autres ongulés, le Moonjack possède deux types d'armes. Il possède des canines supérieures en forme de dague, mm-hmm. très tranchantes et pointues, et il possède des bois. Des canines. Des canines. C'est quand même assez inusité, parce que quand je regarde les chevreuils ici, je ne leur vois pas de canines. Non, nos chevreuils n'ont pas de canines, mais si on remonte au début de l'évolution de ces ongulés, on voit des espèces qu'on appelle les chevrotins. Mm-hmm. Et il existe encore aujourd'hui des chevrotins vivants. Ces animaux n'ont pas de bois du tout. Ce sont des ongulés, comme les cervidés, pas de bois, mais des très, très longues canines. Mm. Nos chevreuils actuels, comme on vient de dire, ont des bois, mais pas de canines. Le Moonjack est intéressant, entre autres, parce qu'il est à la frontière entre les deux. Ah oui. Il y a comme une transition entre les deux, ce qui nous permet de comprendre l'évolution un petit peu. L'évolution des armes et l'évolution des combats. L'évolution des comportements de combat. Parce que le mâle utilise les deux armes dans les combats sérieux. Si le combat n'est pas très sérieux, il utilise seulement les bois pour faire ce qu'on appelle en anglais du sparring. C'est comme un match d'entraînement, si on veut. Mais dans les vrais combats sérieux, le mâle utilise ses bois. Le combat commence toujours de la même façon. Les deux mâles s'approchent, se menacent. Si les deux persistent, ils se précipitent l'un sur l'autre, les bois contre les bois. Donc ça, c'est important dans le mode de combat. On ne frappe jamais l'adversaire. Le premier coup n'est jamais porté sur le corps. Le premier coup est toujours porté sur l'arme de l'autre, ce qui permet de retenir l'arme. Et là, le combat s'engage, il est très, très, très violent et très rapide. Quand on l'observe à vitesse normale, tout ce qu'on voit, c'est un nuage de poussière. Oui. Le poil qui revole à gauche et à droite. Et l'objectif de cette partie du combat pour chacun des deux adversaires, c'est de déséquilibrer l'adversaire momentanément Et pendant la fraction de seconde où l'autre est déséquilibré, et une fraction de seconde où il ne peut pas se servir de ses bois, c'est là que l'autre lui donne un coup avec la canine. Ah oui, donc c'est finalement l'usage des bois permet de déséquilibrer l'adversaire et de l'exposer à des coups de canine. L'exposer. Ça permet de préparer une situation où on peut frapper avec la canine. Mm-hmm. Sinon, si le mâle essaye de frapper avec sa canine et que l'autre le reçoit avec ses bois, c'est le mâle qui frappe avec la canine qui sera blessé au niveau de la gorge, par exemple, ou au niveau de la face, au niveau des yeux. Donc, il faut désarmer momentanément. Mais quand je dis momentanément, là, je parle d'une fraction de seconde. J'ai découvert ce comportement de combat parce que j'avais enregistré sur vidéo des combats que j'ai pu ensuite écouter au ralenti, observer au ralenti. Sinon, encore une fois, quand on voit le combat, on ne peut pas deviner ça. On voit un nuage de poussière, deux animaux qui virevoltent, et puis il y en a un qui s'enfuit tout d'un coup. Puis on voit une trace de sang, il a été blessé par la canine. Et donc ça, c'est pour quand un mâle rencontre un mâle. Et Cyril, quand un mâle rencontre une femelle, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus doux? C'est plus doux, mais c'est très long. Ah. La cour est très, très, très longue. La femelle est en chaleur ou réceptive pour l'accouplement, probablement pendant une journée et demie, deux jours, peut-être au maximum trois jours. Et le mâle doit faire la cour à la femelle pendant des heures et des heures et des heures avant que la femelle accepte l'accouplement. Et cette cour par le mâle prend des formes très, très, très élégantes. C'est comme une forme de danse où le mâle insiste, mais avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup, beaucoup d'insistance pendant des heures et des heures. Et comme chez les autres ongulés, un des éléments majeurs de ce comportement, c'est le mâle essaie, par toutes sortes de moyens, de faire uriner la femelle, parce que quand elle urine, il peut saisir l'urine dans sa bouche, et ça pénètre dans une glande qu'on appelle la glande voméronasale ou de Jacobson, qu'on a hérité des reptiles, qui permet au mâle de doser les hormones sexuelles dans l'urine de la femelle et pouvoir savoir jusqu'à quel point elle est réceptive. Donc, le mâle fait perfectionné. On voit ce genre de comportement chez les chevaux ou chez les félins, par exemple, quand ils font une espèce de grimace, là, quand ils prélèvent l'urine d'une femelle. C'est exactement ce que le mâle fait. Donc, ça lui permet de juger si la femelle est payant, disons, entre guillemets, de continuer à lui faire la cour maintenant ou s'il devrait revenir plus tard. Okay. Mais de toute façon, quand elle est proche d'ovuler, quand elle est proche d'être réceptive, le mâle va rester dans les parages pendant tout le temps, juste à côté. Entre autres, pour ne pas la laisser fuir et pour faire fuir des compétiteurs qui seraient dans les parages si jamais ça arrivait, mais c'est relativement rare puisque l'animal est solitaire. Et comment ça se passe, la reproduction? Est-ce qu'il y a un petit qui naît? Il y a toujours un seul petit. Oui. On n'a jamais vu de jumeaux chez cette espèce, alors qu'on en voit chez d'autres espèces, comme chez le cerf de Virginie ici, ou à l'occasion le caribou, rarement chez le caribou, mais chez l'orignal. Chez le Mounjack, on n'a jamais observé des jumeaux. D'accord. Et l'accouplement, est-ce que ça se passe comme pour les autres ongulés, je ne sais pas, à l'automne, ou avec est-ce qu'on entend le brame des cerfs, ou quand les orignaux sont en rude, je ne sais pas. Est-ce que ça se passe pareil pour les Mounjack? D'abord, chez le Mounjack, il n'y a pas de saison de reproduction. Les animaux se reproduisent à l'année longue, parce que comme ils vivent en forêt, ils ont accès dans des forêts qui sont relativement riches, ils ont accès constamment à de la nourriture abondante. Donc, il n'y a pas de fluctuation saisonnière dans la qualité ou l'abondance de la nourriture. Donc, ils peuvent se reproduire n'importe quand. Mais il y a deux adaptations très bizarres quand on compare aux autres espèces. Une adaptation chez les femelles et une chez les mâles au point de vue reproducteur. Chez le mâle, d'abord, chez toutes les autres espèces de cervidés, on connaît le cycle de croissance des bois. Alors, le mâle perd ses bois au début de l'hiver, puis la croissance des bois commence un peu plus tard. Le bois est en croissance active. Il est recouvert d'une peau qu'on appelle le velours. En dessous du velours, il y a de la circulation sanguine très intense. Après plusieurs mois, la croissance des bois est terminée. Le velours tombe et là, le bois est dur et est prêt pour le combat. Ah oui. Et là, le mâle peut s'accoupler à l'automne. Puis ensuite, va perdre les bois l'hiver et le cycle recommence à chaque année. Chez le Mounjack, il y a ce cycle annuel des bois. Le velours et puis ensuite les bois tombent. Sauf que chez les autres cervidés, le mâle, pendant toute la période où les bois sont en croissance, sont en velours, le mâle ne produit pas presque pas de testostérone, ne produit pas de spermatozoïdes et manifeste aucun intérêt pour les accouplements ou pour les femelles. Il se contente de brouter pour améliorer la croissance des bois. Alors que chez le Mounjack, il est capable de s'accoupler quand les bois sont en velours. Donc, même quand les bois sont en croissance, il produit de la testostérone, des spermatozoïdes, et s'il rencontre une femelle, il s'accouple. Mm-hmm. Et on pense qu'une des explications de plausibles, c'est que comme ils sont solitaires, le mâle peut, il va, la rencontre entre un mâle et une femelle est relativement rare. Donc, le mâle ne peut pas se permettre de manquer une occasion d'accouplement. Donc, il doit être disponible tout le temps. Ouais. Mm-hmm. Mais comment est-ce que physiologiquement, cette espèce-là a conservé la capacité de la spermatogénèse pendant que les bois sont en croissance, on ne sait pas. Mm-hmm. Les autres l'ont perdu. Mm-hmm. Et chez la femelle, la grande différence, c'est qu'on observe, bien, si on regarde chez le cycle habituel, c'est comme le cerf de Virginie ou le caribou, par exemple, chez tous les autres cervidés. La femelle s'accouple à l'automne, elle est enceinte tout l'hiver, elle est gestante tout l'hiver, elle a son jeune au printemps, elle l'allaite pendant 3 ou 4 mois, puis ensuite elle se prépare pour l'ovulation suivante, à l'automne suivant. Chez la femelle Moonjack, la femelle s'accouple, elle est gestante, la grossesse dure entre 5 et 6 mois, elle met bas son jeune après 5 ou 6 mois, et 2 ou 3 jours plus tard, elle est de nouveau en ovulation et ça coupe de nouveau. Mm-hmm. Donc ça, c'est absolument remarquable. Surtout que, étant donné la façon que l'utérus de Moonjack est construit, l'utérus est en forme de Y, le vagin serait la base du Y, et l'utérus a 2 branches, qui sont les 2 branches du Y, mais il y a seulement une des 2 branches qui est fonctionnelle. Ce qui fait que tous les embryons se développent toujours dans la même branche de l'utérus. Mm-hmm. Et c'est très difficile de comprendre comment l'embryon arrive à s'implanter à l'intérieur de l'utérus, alors que l'utérus vient juste d'expulser le gène précédent et le placenta précédent. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, puis ça veut dire finalement, elle est gestante alors qu'elle allait. Elle est gestante en même temps qu'elle allait. Il faut qu'elle ait beaucoup de nourriture. Donc, ce qui lui permet de faire ça, c'est l'abondance, encore une fois, et la richesse de nourriture. Ouais. Mais, et la conséquence pour elle principale, c'est qu'il y a 2 conséquences finalement. C'est qu'elle est gestante tout le temps. À partir de sa maturité sexuelle, elle est gestante toute sa vie. Oui, c'est ça. Deux fois par an. Donc, ça lui permet de doubler son succès reproducteur par rapport aux autres, parce qu'elle peut avoir 2 jeunes par année au lieu d'un seul jeune pendant la saison favorable. Mmh. C'est quand même assez fascinant tout ce que vous avez pu apprendre au cours de toutes vos observations. Mais en fait, qu'est-ce que toutes ces études vous ont appris de l'animal? Le Moonjack permet d'illustrer, parce qu'on peut observer son écologie, ses comportements, etc., permet d'illustrer ce qu'on trouve chez toutes les autres espèces. C'est que pour comprendre l'animal, il faut faire appel à tous les aspects de sa vie, l'anatomie, la physiologie, l'écologie, le comportement, la vie sociale. Alors, c'est ce qu'on voit chez le Moonjack. Alors, si on essaie de comprendre la vie du Moonjack ou sa biologie, je pense qu'il faut commencer par l'élément le plus crucial, c'est sa petite taille. Oui. Comme il est de petite taille, il a un métabolisme beaucoup plus actif qu'un cervidé de grande taille comme un orignal. S'il est de petite taille, il faut qu'il se nourrisse de nourriture qui est relativement riche, alors des fruits tombés au sol, par exemple, ou des bourgeons, des champignons. Ouais. Il va trouver ça en forêt? Il va trouver ça en forêt, donc il doit être forestier. S'il est forestier, ça encourage la vie solitaire parce que c'est plus difficile de maintenir un groupe cohérent en forêt. Mm-hmm. Et en plus, si, comme sa nourriture est distribuée, il y a un fruit ici, il y a un buisson là-bas, s'il vivait en groupe même de 2 ou 3, il y aurait des compétitions constantes entre les individus pour avoir accès à la nourriture par rapport à un cerf ou un bovidé qui vit dans une prairie où la nourriture est distribuée uniformément. On n'a pas à compétitionner pour une bouchée d'herbe qu'on broute ici. Il y en a une juste à côté, alors que pour le Moonjack, ce serait très difficile. Donc, il est contraint d'être en forêt. S'il est en forêt, la communication visuelle est très peu utilisée. Ah oui. Donc, il doit être olfactif dans sa communication et utiliser des cris d'alarme, etc. Donc, vous voyez que tout est lié. Oui, puis ayant de la nourriture abondante, il peut avoir ce cycle de reproduction deux fois par an. Voilà. Vous voyez que si on veut comprendre l'animal, on ne peut pas se contenter d'étudier l'anatomie ou la physiologie ou la vie sociale ou le comportement. Il faut... Alors, c'est vrai pour toutes les espèces, mais ce que j'ai découvert chez le Moonjack, c'est que lui, il l'illustre très, très bien. Mm-hmm. On ne peut pas déconnecter les éléments de sa physiologie, des éléments de l'anatomie ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Et rapidement, pour conclure, est-ce que vous avez d'autres curiosités animales à nous faire découvrir? Ah, il y a plusieurs autres espèces. Qu'on pourrait découvrir au fil d'autres chroniques? Possiblement. Vous êtes en train de m'engager, là. Pourquoi pas? il y a plein d'autres animaux qui ont non seulement un nom exotique, mais aussi une biologie exotique. On pense à l'ornithorynque, par exemple. Oui. L'oryctérope. Qui a déjà entendu parler de l'oryctérope? Qui a entendu parler des lamantins ou des damans? Mm-hmm. Seulement parmi les mammifères, il y a des animaux qui ont non seulement un nom exotique, mais une biologie exotique qui mérite d'être connu. C'est par rapport aux grandes vedettes comme les tigres ou les léopards, etc., les éléphants. On a là des animaux qui méritent, qui sont méconnus. Mm-hmm. Et ils méritent d'être mieux connus. Alors peut-être que ce sera l'occasion d'autres chroniques, mais pour l'instant, ben, merci beaucoup Cyril d'être venu nous présenter le Moonjack. Maintenant, on sera plus intelligent quand on demandera qu'est-ce que c'est le Moonjack, on aura la bonne réponse. Ça peut même être utile au Scrabble, j'imagine. Peut-être, oui. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Merci beaucoup Cyril. Merci à toi.